cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma dalil anna ar-Rabb tabaraka wa ta'ala huwa al-mustahiq lil-ibadah min al-Qur'an. Tafadhal. ما بي هو والذين نعم أحسنت سأصمونتر ك الخالق الرب عز وجل هو المستحق للعبادة والرب هو من نعم الخالق كذلك الرازق المحيي المميت توسس من صفات الرب عز وجل أي الله سبحانه وتعالى الرب et le Rab c'est celui qui donne la vie qui donne la mort qui crée qui guide qui gère tout سبحانه وتعالى et ça s'appelle توحيد ماذا الربوبية وهذا كله ولله الحمد تقدم ثم شيخ الإسلام il a fait le lien entre quoi et quoi أحسنت. إيه لا سيت لابقى ابن كثير. فماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أحسنت. سالوا لي الآن. الخالق لهذه الأشياء توحيد الربوبية. que tout le monde reconnaît. حتى فرعون il le reconnaissait. لا ينكر هذا إلا مستكبر. إبليس il le reconnaissait. أن الله سبحانه وتعالى c'est le خالق. c'est le رب جل وعلا. Celui qui reconnaît هذا التوحيد, il est obligé de reconnaître qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mustahiq lil'ibada, et il doit l'adorer. Seul, sans associé. Et c'est ça, dinu l'islam. Et c'est ça, ma'na, la shahada qu'on dit, shahada qui fait rentrer dans l'islam, ashhadu an la ilaha illallah. Aïe, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mustahiq lil'ibada, wahda. Et on est arrivé à ce qui contredit ce asl azim. Et il va citer al-shirk. Qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala faman sarafa minha shay'an li ghayrillah fahuwa mushrikun kafir. Faman sarafa minha ay min al-ibadah. Celui qui donne une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il adore Allah, c'est un mushrik, un kafir. Et c'est ça, at-tawhid, adorer Allah seul, et ce shirk qui l'a contredit, c'est hala, al-shirk fi l'ibada. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون سالكافرون الصواب ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وهنا الظالمون نعم سورة المؤمنون verset 117 الصواب الكافرون على place de الظالمون قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه ولقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولغيرها من الآيات السابقة وهذا دليل على ما تقدم نعم تقدم معنا الكلام عن الشرك سكنتخدي التوحيد الشيخ عبد العزيز il a cité plusieurs preuves depuis le début du shurh. فعلى كل حال أن من يدعو مع الله إلها آخر الله سبحانه وتعالى إلا أبلي إله سإله باطل فالإله الحق سالله سبحانه وتعالى لأن الإله c'est celui qui est adoré فتous ceux qui sont adorés c'est des آلهة لكن des آلهة بباطل qui méritent pas l'adoration فلهذا قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لأن الرب المستحق للعبادة سي الله سبحانه وتعالى سعبد يغندرا دي كونت الله سبحانه وتعالى Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré le hukm. Innahu la yuflihu al-kafirun. Il a démontré à ceux qui invoquent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils sacrifient pour autre qu'Allah. Toutes les ibadat qui va citer l'an, Cheikh l'Islam, et d'autres qu'il n'a pas cités, celui qui adore autre qu'Allah, même s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mushrik kafir. Et il a cité le verset. ثم قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ثم إلى cité رحمة الله عليه des عبادات. Il a commencé par الدعاء, ensuite il va citer الخوف والرجاء والتوكل والإنابة etc. Des exemples de ibadat, des ibadat azima, des ibadat que beaucoup de mushriks ont donné à autre qu'Allah, il va démontrer annaha, cette chose c'est une ibada avec le délil, comme il a cité هنا. Thumma, il montre anna celui qui donne cette ibada à autre qu'Allah, c'est un mushrik. Amma le hadith qu'il a cité, il est ضعيف كما قال أو كما أشار إلى ذلك شون باز قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة الصحيح الدعاء هو العبادة أما الدعاء مخ العبادة إلى ضعيف وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء عبادة في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون يعني عن دعائي فالدعاء هو ان يضرع او نعم يضرع الى الله يدعوه يتضرع الى الله يدعوه ويساله النجاء ويساله الرزق فمن انفع العبادات واعظم العبادات الدعاء. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم ce dua, cette ibada azima, il l'a appelé ibada. Ad-du'a, c'est l'ibada. Léanna, tu demandes ce que tu as besoin. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'écarte min al-fitan, min al-shurur, min al-shirk, min al-bida', min al-ma'asi. Kadhalik, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne al-huda, al-ilm, al-risq, la bonne santé, al-mal al-halal, qui te facilite à l'adorer, subhanahu. Fahad ad-du'a, al-haqiqa, c'est l'ibada. Léanna, tu demandes des choses utile pour ad-dunya wal akhirah, et si tu as les chourouts d'acceptation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te répond, inshallah tu auras une facilité à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Fa l'insan, il fait des efforts à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, wa qala rabbukum ud'uni, donc sincère, tu invoques que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te donner. Pourquoi invoquer un autre? Il ne peut pas. Kadhalik, tu fais tout pour te mettre en condition favorable pour qu'Allah te réponde. Tu choisis les moments. Ka as-sujud wa akhir thulut al-layl. Kadhalik, il y a une heure, yawm al-jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala y répond. Avant le maghrib, après l'asr. Kadhalik, entre l'adhan et l'iqama. Kadhalik, si tu subis une injustice. Et ala kulli hal. الإنسان يكثر من الدعاء. كذلك tu fais attention à ton mal et tu t'écartes de الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا أشعث أخبر يدعو الله سبحانه وتعالى et الله سبحانه وتعالى ne lui répond pas. لأن ملبسه حرام ومشربه حرام وغضي من حرام فأنا يستجاب له قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'a pas rempli les conditions malgré qu'il était en safar. Et à safar kadhalik, on peut le rajouter dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala il répond plus. À safar, quand tu es en voyage. Kadhalik, il est touché par la pauvreté. Il est éprouvé. Ma'a hadha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré qu'Allah subhanahu wa ta'ala il répond pas à ce genre de personne. Pourquoi? Parce que son mal il est haram. Il mange du haram, il s'habille avec le haram, Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond pas. Inna Allah tayyib لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى. قال الشيخ بن باز رحمه الله فالدعاء هو أن يضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاء ويسأله الرزق Et ça, ça montre anna fi ad-du'a, on demande les choses essentielles. Demande an-naja' min al-fitan, demande al-jannah, demande al-firdaws al-a'la. Demande al-rizq al-hasan, ça te facilitera. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Comme ja'a fi al-hadith anna après salat, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul: "Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik." Ta'ammal ce du'a. الشامل النافع اللهم أعني عن ذكرك. Il demande au prophète, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aide dans le dhikr. لأن celui qui fait beaucoup de dhikr, il est min al-faizin, min al-najin. عن ذكرك وشكرك كذلك. Que tu sois reconnaissant qu'Allah te facilite à هذا. وحسن عبادتك. أي une عبادة مقبولة. أي sincère. En suivant la sharia al-islamiyya, celui qui invoque bihada du'a après chaque salat, comme a dit le hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, fa il est min al-fa'izin, min al-najin. Kadhalik, l'autre du'a que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent, Allahumma, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adab al-nar. Du'a shamil. Fi dunya hasana, qu'Allah te facilite dans cette dunya, wa fil akhirati hasana, في الآخرة كالله يتفصلت كذلك وقنا عذاب النار ابخزر بنوت دو النار دعاء شامل الله يتغيبون تغيسي بمثل هذا الدعاء كنت وفير نحن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفزبوك سو دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على طاعتك يدمد الله سبحانه وتعالى كي guide son cœur dans l'obéissance dans la guidance dans la droiture et celui qui est guidé il a tout gagné. On fait des efforts في مثل بي أو بمثل هذا الدعاء أو ندعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأدعية النافعة. كذلك tu fais du'a pour tes parents, pour le gouverneur. الدعاء هو العبادة. الدعاء هي خير عظيم. Ça repousse le شرور. Ça repousse les فتن بإذن الله عز وجل. قال وكل هذا أو كل هذا عبادة. فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل. نعم que ça soit pour une statue comme ils faisaient kuffar Quraysh et comme ils font بعض الكفر الآن أو que ça soit pour une pierre أو un arbre أو un mort أو un nabi أو un malak, tout ça c'est من الشرك الأكبر. Pourquoi? Parce que dua c'est une ibada, et l'ibada est khassa lillah azza wa jalla. Qala fa yajib al hadar min al shirk kulli daqiqihi wa jalilihi. Na'am, fais attention au shirk, qu'il soit clair, qu'il soit apparent, qu'il soit caché, qu'il soit akbar, qu'il soit asghar. Fais attention au shirk, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfir an yushraka bih kama ja'a fi al Qur'an. Et on a cité plusieurs fois la gravité du shirk. Wa an takun al-ibadatu lillahi wahda, lakin du'a al-hayy al-hadir al-qadir wal isti'anatu bihi fi shay al-maqdur alayhi la ba'sa bih wa la yu'tabar dakhilan fi shirk. Et ça c'est un tambih min al-shaykh rahimahullah muhim. Yani wa qad yaqul qa'il, vous dites que ad-du'a, demander l'aide, demander des choses, c'est une ibada, si on demande à autre qu'Allah c'est du shirk. Lakin si c'est une demande envers un vivant, il est capable, il est présent et il peut t'aider bien sûr. Bien sûr, il y a des autres choses après. Il ne faut pas rentrer dans dhamm al-mas'ala. Demander de l'argent, demander des choses comme ils font ahlu al-inhiraf sans aucune raison et profiter de ça. Adala ma yanbaghi la yajuz. Lakin si tu demandes un hayy, un hadir, un qadir, واحد il se noie et il voit واحد passer et il lui demande de l'aide s'il peut, ou il se fait agresser, ou il a besoin de dépanner son moyen de transport, sa voiture, et il demande à quelqu'un qui est présent, il est vivant bien sûr et il est capable, ça rentre pas fait shirk. C'est quoi la différence entre les deux cas? Pourquoi le premier c'est du shirk et le deuxième c'est pas du shirk? Indaman indak, non, donc il n'est pas capable. Mais pourquoi cette demande c'est du shirk? Dans son cœur, il pense que lui il peut. Ahsan, dans son cœur, il pense que ce mort il peut l'aider. Cette pensée-là, elle l'a poussé à invoquer. il a mis ce mort au niveau du ilah, c'est un mushrik. C'est pour ça que si tu demandes à Ha'ula, ceux qui adorent le Qubur, tu lui demandes maintenant, pourquoi tu ne demandes pas à ce stylo? Il va te dire là. Il n'a aucune aqida dans ce stylo. Il ne lui demandera jamais. Pourquoi il demande aux morts? Parce qu'il a une aqida. Il pense que ce mort, il peut l'aider. Il peut l'aider, il peut donner, il peut changer les choses. Alors que ces points importants de changer les choses, de donner, c'est Allah, c'est minar rububiyya, c'est Rabb qui donne. Donc, il a mis ce mort au niveau de l'ilah. Il l'a pris comme ilah. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. هذا أما tu demandes à une personne présente, capable de te rendre un service, tu dois porter une chose, ou une personne elle se fait agresser pour l'aider, beaucoup d'exemples, il n'y a aucune aqida. Pourquoi? Parce qu'il est présent et il est capable. Mais bon, il y a une énorme différence. C'est pour ça que Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, il a fait ce tambih. قال ولا يعتبر داخلا في الشرك فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة. On a cité des exemples et Cheikh Abdel Aziz cite des exemples. هنا أو على حفر هذه البئر فلا بأس بذلك كما قال سبحانه في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Cet homme من بني إسرائيل qui avait besoin d'aide, il se faisait agresser par un autre et il a demandé à Moussa. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Donc c'est pas du shirk. Léana, il pouvait, il était présent, il était capable. قَالَ الْآيَةِ استِغَاثَتُ الْإِسْرَائِيلِ عَلَى الْقِبْطِ لِأَنَّ مُوسَى قَادِرٌ عَلَى إِغَاثَتِهِ. Moussa, il était capable. Et il était présent. Et ce Israëli, من بني إسرائيل, il a demandé à Moussa de l'aide. Contre ce قبطي أي من أهل مصر قال يتكلم ويسمع. نعم موسى il est présent, il entend, il parle, bien sûr il est vivant, donc il lui a demandé. C'est pas من الشرك. أما demander à un mort, il est mort ربما il y a des décennies, لا يسمع ولا يرى, il est capable de rien, il est devenu ربما poussière, il reste que ses os. Et tu trouves واحد, il lui demande. Pourquoi? Parce qu'il a une aqida que ce mort, il peut lui donner, ou il peut lui repousser un mal. Et c'est ça, عين الشرك. Deuxième chose, pourquoi demander à ce mort et délaisser Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le kufr. Manque de reconnaissance. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ha'oula, kuffar, la yuflihu al-kafirun. قال أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا. C'est important ces trois choses. مثلا واحد, sa maison elle brûle, il est dedans, il a besoin d'aide. S'il demande à une personne, dans ce cas il a le droit de demander, c'est minat darura. Il est dans sa maison elle brûle, il est enfermé, il risque la mort, et il voit son voisin par la fenêtre ou un passant, il lui demande, aide-moi, je suis bloqué. Hada yajouz. Pourquoi? Parce qu'il est présent, il est vivant bien sûr, et il est capable. Il peut aller appeler les secours, il peut essayer d'ouvrir la porte, etc. Il n'y a aucun problème. Cette même personne, elle demande à un makhlouq et il n'est pas présent. Il est avec nous ici au Maroc et il demande à Wahed, il est fi Al-Jazeera. Des milliers de kilomètres. Est-ce que celui qui est fi Al-Jazeera, il peut lui répondre? Là, il n'est pas là. Il ne l'entend pas, il est loin. Même s'il l'entend, même s'il l'appelle au téléphone, il ne peut pas lui répondre. Aïe, l'aider. L'yanna al-an, c'est l'urgence. Un autre, il est présent, lakin il est mort. Le qabr, il n'est pas loin. Il lui demande, lakin il est mort. Est-ce qu'il peut lui répondre? Là, il est mort. Shirk. Kadhalik, un autre, il est là, lakin il n'est pas capable. Matalan, une personne, il est en fauteuil roulant, paralysé, il ne bouge pas. Tout le monde sait qu'il ne peut rien faire. Il lui demande. Ça, c'est minas safa. Et personne ne lui demandera fi hadha al-hal. لكن المشكلة الآن أن كثير من الناس والعياذ بالله leur cœur il est attaché à autre qu'Allah, il est attaché au mort. الصوفية الرافضة الضلال القبورية قبوريون, ils ont placé leur confiance en autre qu'Allah, ils demandent à autre qu'Allah, ils adorent autre qu'Allah, et هؤلاء ils doivent faire tawba et s'écarter de هذا الشرك لأنهم ils sont في طريق الخسارة والعياذ بالله. La yuflihul kafirun, ils réussiront pas, la fid dunya ou la fil akhira. Et ça nous montre l'importance de faire da'wa et d'appuyer sur ce point. Faire da'wa aux gens et leur montrer un al-mayyit, même si c'est un shir, même si c'est un wali, comme ils l'appellent, même si c'est un sayyid, t'as pas le droit de lui demander. Les anna du'a, huwa l'ibada. Qala, la yakdir alayhi illallah. أو أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا واعتقد أنه ينفع من دعائه أو من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله. نعم أما si un sebab حسي il peut t'aider, il est là, il est présent, il t'entend, il peut appeler les secours, etc. l'exemple qu'on a donné, pas vaste. أما il n'est pas présent, il ne peut rien faire et ce abd, il s'accroche à lui, il lui demande et il espère son secours. Cette espérance, cette demande, c'est une ibada. On va voir al-raja, on va voir al-tawakkul, on va voir al-du'a. Ahaoula, ces ibadat al-idham, ils les ont données à des makhlouks. Et donner une ibada à un makhlouk, c'est du shirk. Kama qala ta'ala anhum annahum qalu haoula ishufa'auna indallah. On l'a cité plusieurs fois ce verset. Ils prétendent, hum, ce mouchri qui prétend, elle a cette demande, c'est une demande d'intercession. Et je ne l'adore pas, lakin, c'est que pour qu'il intercède. Et je lui demande pour que lui demande à Allah. Et ça c'est grave. Et ça c'est hujjat jami' al-mushriki. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité Kuffar Quraysh, qala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Non, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Avec cette hujja, Allah ne l'a pas accepté. C'était des kuffars et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à l'islam. Il les a appelés à l'islam. Alayhi salatu wassalam. Cette hujja, c'est hujja jami' al-mushrikin wa la tanfa. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Qala fayadhunnuna annahum yustati'una bi'ibadatihim iyyahum an yashfa'u lahum 'inda Allah fi husul matalibihim. أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفا كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه. Et cette masala de shafa'a, on la verra en détail inshallah dans d'autres durus, et on l'a vu en détail dans les durus précédents fi kitab tawhid fi al-qa'id al-arba', lakin inshallah sata'ti ma'ana ma'akum في القاعد الأربع après ce درس إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام il a expliqué الشفاعة الشافع والمشفوع لشروط. قال والله سبحانه له الشفاعة جميعا. لكن ici on peut citer أن الشفاعة tu la demandes que d'Allah, t'es obligé d'avoir la permission. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك الشفاعة لها des شروط, t'es obligé d'avoir la permission et d'être من أهل التوحيد الرضا. كذلك celui qui reçoit shafa'a, ça doit être un mu'min, un muwahhid. Amma al-mushrik qui adore autre qu'Allah, il n'a aucune part de shafa'a. قال وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى إلا في من يرضى الله وعمله ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه. C'est ça les conditions qu'on vient de citer. Al-rida, Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de ce abd, que ce soit muslim ou muwahhid, كذلك il lui donne la permission. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. لابد من الرضا, والله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر. الله سبحانه وتعالى يرضى التوحيد الإسلام الإخلاص. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع كما جاء في الحديث يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. النبي صلى الله عليه وسلم يدمر la permission يوم القيامة et الله سبحانه وتعالى il lui donne et il lui donne la permission la de faire الشفاعة. أما هؤلاء qui demandent aux morts, qui sait qui leur a donné la permission? Personne. Ils font du shirk alors que la condition c'est التوحيد. فمن أين لهم الشفاعة؟ بل الله سبحانه وتعالى il a appelé cette chose عبادة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. C'est عبادة. Ils adorent autre qu'Allah. Et dans l'autre verset, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاءنا عند الله. Adorer autre qu'Allah, c'est من الكفر والشرك. Donc, الشفاعة, tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu la demandes pas aux morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il fait shafa'a qui il veut. Il donne l'autorisation à qui il veut. Subhana. Cette shubha, c'est shubha jami' al-mushriki. Al-shaytan, il les a égarés en pensant que cette adoration qu'ils font autre qu'Allah, c'est que de la shafa'a, il n'y a aucun mal. Et Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans son célèbre livre Kashf al-Shubuhat, il répond à cette shubha bit-tafsil, en détail. قال وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أخرجه البخاري في صحيحه شيخ الإسلام لا سيت في كتاب التوحيد من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله كي كي مغت الشفاعة Ya Rasulallah. Et la shafa'a que tu vas faire yawm al-qiyama. Qui c'est qui mérite? Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ahlul ikhlas, ahlul tawhid. Amma ceux qui demandent aux morts, en prétextant que c'est pour le shafa'a, la condition de base, al shartul asasi al tawhid, ils l'ont pas. Fa min aynahum al shafa'a. قالوا ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. أما المشرك Al-Quburi, celui qui adore Al-Qubur, qui adore Al-Bashar, il n'a aucune part dans le Shafa'a. Ben, il n'a aucune part dans l'au-delà. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al-khasiri. Fil akhira, il est min al-khasiri. Fahadihi, hiya al-ibadatu al-oula, qu'il a cité Cheikh l'Islam, al-ad-du'a. Et il l'a cité en premier, wallahu a'lam, lianna c'est une ibada azima, ad-du'a huwa al-ibada. كذلك لأن كثير من الناس يدونوا cette adoration à autre qu'Allah. Ils invoquent des morts, ils invoquent le soleil, ils invoquent des anbiya, comme Nasara, ils invoquent Isa, ils invoquent des awliya, comme Sofiya, Rawafid, ils invoquent certains compagnons, ils invoquent Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est la yajouz. La yajouz. Al-du'a, c'est l'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah, c'est Allah qui peut te donner. Demande à Allah, c'est Allah qui t'a créé. Demande à Allah, c'est Allah qui t'a donné. Pourquoi ce manque de reconnaissance est demandé à un makhlouq? En prétextant, c'est pour le shafa'a. Demande directement à Allah. Écarte-toi de ces choubas. Ça fait du mal à ton dîn, belle, ça annule ton dîn. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou il fasse shafa'a pour toi yom al-qiyama. Demande à Allah. Lakin la demande elle est à Allah. Léana, cette demande c'est une ibadah. Demander à un autre, c'est du shirk et du kufr. Pourquoi? Parce que cette demande, su'ud, il ne peut pas. Tu es obligé d'avoir la permission. Enfin, pourquoi lui demander? Thumma qala Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, wa dalil al-khawf, qawluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Deuxième ibadah, al-khawf. خوف من الله سبحانه c'est une عبادة عظيمة tout ça c'est des عبادات قلبية الدعاء faut que le قلب soit متعلق بالله bien sûr شرط الإخلاص et c'est avec la langue عبادة قولية c'est une parole et à partir de ce passage الخوف il va citer des عبادات قلبية الخوف والرجاء توكل إنابة رغبة رهبة خشية خشوع tout ça c'est des عبادات قلبية العبادة Ça peut être une parole, comme un dua, une demande. Ça peut être du cœur, comme la sincérité, la peur, l'amour, etc. Ça peut être avec les membres, comme le sujoud, le ruku', le tawaf, etc. قال الشيخ عبد العزيز ومن ذلك أي من العبادة الخوف وهو أقسام ثلاثة. Trois catégories de خوف. Et c'est important de connaître ce genre de catégories. حتى on mélange pas. Comme on a vu à l'isti'ana. Ou al-du'a, aqsud, ça t'a-t-il معنى l'isti'ana. Al-du'a, on a vu qu'il y a une demande. Si tu demandes à un makhlouq, c'est pas du shirk. S'il est présent, capable et vivant. Al-khawf kadhalik, il y a des aqsam, des catégories que l'ulama ici. Et talib al-ilm, bel al-muslim, il doit connaître mitla hada. Hatta il mélange pas. Il rend pas une chose, c'est pas du shirk, il la rend shirk. Kadhalik, une chose, c'est du shirk, il dit c'est pas du shirk. Et il mélange. Ce mélange, il a une conséquence grave. Il peut rendre kafir une personne, c'est pas un kafir. Ou muslim, une personne, c'est pas un muslim. Et ça, c'est un bab, une hiraf, wasi', et khatir ala l'insan. Connaître les définitions, c'est muhim. Connaître les aqsam, c'est muhim. Et c'est ça l'ilm. C'est ça les usul qu'on vous cite souvent, l'importance des fondements. Connaître les fondements, connaître les définitions, connaître les différentes catégories, c'est ça. Khasatan fi tawhid. On donne l'importance à hada. Hatta on mélange pas tout. Qala al-awwal, première catégorie du khawf, khawf sir. Wa hada khassun billah. Li'annahu al-qadir ala kulli shay. Wa huwa alladhi yukhaf wa yukhsha. Khawf sir. Na'am. Al-sir, c'est le secret. Tu peux traduire par secret. Ce khawf, t'as peur de Allah subhanahu wa ta'ala, li'an Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare, c'est lui qui récompense, c'est lui qui châtie. Enfin, t'as peur de Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu, il te voit. Il t'entend, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît tes péchés. T'as peur de son adab. Amma, si une personne, elle donne, ou elle a peur d'un makhlouq, khawf sir, c'est du shirk. Ta'lamoun anna ba'd an-nas, mathalan, il a peur du wali, Sayyid, ce mort qui est enterré. Et s'il fait telle chose, il a peur que le shirk, il soit pas content, il soit pas satisfait. Tout ça, c'est du shirk. Ça, c'est manzilatullah subhanahu wa ta'ala. On a peur, on fait des efforts pour qu'il soit satisfait, on l'adore. Amma ba'duhum, il donne cette ibada au mort. S'il ne fait pas telle chose, il a peur que le mort, il le châtie. Et tu vois la différence là, et tu vois manzilat hadal khawf, cette première catégorie. On répète, khawf sir, wa hada khassun billah, li'annahu al-qadir ala kulli shay, wa huwa alladhi yukhaf wa yukhsha. Amma le mort, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te donner, il ne peut rien te reprendre. Il ne peut pas repousser un mal. Enfin, pourquoi avoir peur de lui? T'as pas à avoir peur d'un mort. Ou d'un être humain, même vivant, khawf sir, t'as pas le droit. On va voir khawf at-tabi'i, on va voir des autres anwa'. Qala kama qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala wa lam yakhsha illa Allah. Wa qala fala takhshaw an-nasa wa khshawni. Tout ça, c'est le khawf, la première catégorie, khawf sir. Ne peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne crains personne. À part Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Abd, il peut rien te faire, il peut rien t'enlever, il peut rien te donner. Il peut pas te faire de mal, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Qala fal wajib khashyatullah wa khashyatullah wa khawfahu li'annahu musarrif al-qulub wa muqallibuha wa al-qadir ala kulli shay. N'am, fa t'as peur de l'égarement. T'as peur. Et tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. C'est Allah qui guide les cœurs. Fa t'as peur que tes péchés, ça soit un sabab qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'écarte, il t'égare, il te guide plus. Hada, amma al-abd, il va te donner quoi, il va t'enlever quoi. Qal wa huwa alladhi yanfa' wa yadhur wa yu'ti wa yamna' fal wajib takhsisuhu bil khawf wa alla yakhaf illa Allah fi kulli al-umur walakin khawf as-sir yakhtassu bihi subhanahu wa huwa kawn al-insan yakhaf min ajli qudratin khassa sirriya laysat hasb al-hiss. Et c'est ça le point important. Khawf sir, Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, il l'explique. Anna l'insan yakhaf. Pourquoi il a peur? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a une qudra, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut à Su'ab. Qudra khassa sirriya. Amma Su'ab, est-ce qu'il a cette chose? Abadan. Enfin, pourquoi avoir peur de lui? Il y a des choses hissiyah, matalan, du feu devant toi. T'as peur. Il y a un animal féroce devant toi, t'as peur. Une personne, elle braque une arme sur toi, t'as peur. Ton cœur, il a peur. C'est des choses ici, des choses devant toi. C'est normal d'avoir peur. Amma, ce chir, il est dans sa tombe, il ne peut rien te donner. Pourquoi avoir peur? Vous avez vu la différence? Enfin, ce khawf sirri, c'est pour Allah. Khassun lillah. Une différence entre sirri, et tu ne vois pas. Tu sens pas, il y a rien en face de toi. Lakin, pourquoi t'as peur? T'as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est capable de tout. Donc c'est khas pour Allah, il n'y a qu'Allah qui a cette chose. قال ولذلك يعتقد عباد القبور ان بعض الناس له القدره على التصرف في الكون مع الله جل وعلا. Cet exemple qu'on a donné. بعضهم ils ont une aqida ان ce mort il est capable de faire certaines choses donc il a peur. S'il fait pas telle chose, il a peur d'être châtié par le mort ou un malheur il le touche. Des khurafat, des bid'a, du shirk. Lakin, ce amal an, qalbi, ce khawf qu'il y a dans son cœur, c'est du shirk. Parce que ce mort, il ne peut rien faire. Ils s'écartent de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font des ma'as, ils font du shirk. Tout ça pour que ce soi-disant shir, ce sayyid, ce wali, il est satisfait et aucun malheur ne les touche. Et ils désobéissent à Allah leil nahar. Bardhoum, ils délaissent salat, bardhoum, ils utilisent la sorcellerie, bardhoum, ils font des soujouds pour les morts. Tout ça pour ce mort et ils font ces munkarat. Des manakir khatira, du shirk, ça montre que le cœur, il n'y a pas l'iman. Il y aurait l'iman, ils adoraient Allah seul, et la satisfaction d'Allah, ça leur suffirait. Lakin haoula, leur shirk, leur cœur, il y a du shirk. Qalu wa ya'taqidun dhalik aydan fil asnam wal jinn wa ghayriha wa hadha huwa ash-shirk al-akbar. C'est ça le shirk al-akbar. Ils ont donné cette adoration, azima al-khawf, khawf al-sir, à autre qu'Allah. قال ويعتقد فيهم ايضا ان لهم القدره على العطاء والمنع. Et tout ça c'est du shirk. Avoir la conviction que ce mort il peut donner, il peut repousser un mal, tout ça c'est même le shirk. لان ce mort il est mort, comment il peut faire des choses? قال وزيغ القلوب وموت النفوس دون اسباب حسيه والعياذ بالله. Aucun اسباب حسي. On a vu la différence. Si un sabab hissi, une arme elle est pointée sur toi, c'est un sabab. Tu vois l'arme, Obama, elle est collée à ta tête, ça va provoquer une peur, c'est normal. Mais pourquoi avoir peur de ce mort? Il n'y a aucun sabab. Tu ne le vois pas, il ne te voit pas. Tu ne l'entends pas, il ne t'entend pas. Obama, c'est devenu poussière, il ne reste que des os. Pourquoi avoir peur de lui? Si tu as peur de lui, c'est que tu as une aqida. Cette aqida, c'est du shirk. Ce shirk qui fait sortir de l'islam. Wal'iyadu billah. Deuxième catégorie, الثاني, خوف الأسباب الحسية. أي, comme on a vu. أي, il y a un sabab, ce sabab il provoque une peur. كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ce خوف الآن il y a un sabab. Ce sabab, c'est normal qu'il y ait une peur. Lakin, cette peur, elle ne doit pas te pousser à faire du haram. Mathalan, tu as peur d'une chose, lakin, cette chose, tu fais un haram à cause de cette chose. Alors que t'es pas mukra. Tu peux délaisser, lakin, ça te pousse à faire ce haram. Ce khouf, il est haram. Si ce khouf, il te pousse à faire du shirk, c'est du shirk. Mathalan, wahid, il a peur de quelqu'un ou de quelque chose, et il lui fait sujoud. Alors qu'il ne t'a pas demandé, tu n'es pas moukra. Il fait sujoud ou il lui donne une ibada, ça a donné un mouchrik par rapport à son shirk. قال فالشيطان يخوف الناس من أوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم والله يقول فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي. الاعتماد على الله, التوكل على الله, c'est important. وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Malgré ce خوف, مثلا في الجهاد, il y a un خوف. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des armes. L'ennemi, il veut ton mal, il veut te tuer. Donc ça provoque un khawf naturel. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ. Et préparez ce que vous pouvez مِنْ قُوَّةِ, comme force. Ça montre qu'il doit avoir une préparation et cette peur, tu ne dois pas faire demi-tour. Si ce ab, il fait demi-tour à cause de cette peur qui est naturelle, il tombe fil haram. Tu n'as pas le droit de faire demi-tour. قال وهذا الخوف الحسي لا بأس به. Donc le khawf en lui-même, il n'y a aucun mal, c'est normal. Il y en a, il y a une cause. لكن الخوف القلبي خوف السر هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف اللص. اللص, اللصوص, c'est des voleurs, des cambrioleurs, قطاع الطرق, ils veulent te faire du mal. أو السارق أو العدو, un ennemi. فيعد العدة من السلاح اللازم كل هذا لا بد منه ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه فخرج منها خائفا يترقب. Donc موسى il a eu peur, خائفا, لأن عدو avec une armée derrière lui, فرعون وجنود فرعون, il voulait du mal à Moussa. Moussa il a eu peur, خوف طبيعي. Donc ce khawf il est normal. Lakin il ne te pousse pas à faire un haram ou à délaisser un wajib, alors que tu as le qudra de faire ce wajib ou de délaisser ce haram. قال فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به. Lakin C'est là la précision. La yajouz khawf al-adou khawfan yamna min jihad. Wa nasr al-haq wa innama yahmilu hadha al-khawf ala al-i'dad lil-adou wa akhd al-hadar. Bien sûr, ce khawf, il doit te pousser à faire des efforts et sans contredire al-Qur'an ou al-Sunna. Amma celui qui est, il est moukran, il a peur, un ennemi tomba, il le force cet ennemi à faire telle chose, ça c'est un autre chapitre. Quand tu es forcé, c'est autre chose. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, qala 'azza wa jalla. Al-mukrah ila hukm à part, on l'avait détaillé fi sharh nawaqid al-islam. Donc, deuxièmement, ici, il y a un sabab. Troisièmement, et fil haqiqa, il ressemble au deuxièmement. خوف الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الإنسان الحي والعقرب والسبع نعم ça كذلك il y a une cause un serpent un lion le feu tout ça c'est une peur naturelle que tout le monde a c'est tout à fait normal قال فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة السبع نعم لكن العبد فدي أسبابي سكر Tu peux la tuer, maintenant un serpent, une vipère, tu peux la tuer, tu la tues, tu t'écartes, tu fais les causes. Amma, avoir cette peur, c'est normal. قال حتى لا يتأذى بها هذا أمر لا بد منه والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه. نعم الله سبحانه وتعالى il a créé l'être humain هكذا. Il a peur de certaines choses. قال يخاف البرد فيلبس الثياب. نعم. Si tu as peur du froid, tu as peur d'avoir froid, tu t'habilles, tu fais les asbab. قال فيلبس الثياب الغليظة ويخاف من الجوع فيأكل ويخاف العطش فيشرب هذه أمور طبيعية لا بأس بها. Donc on a pris ولله الحمد aujourd'hui deux عبادات. On a pris الدعاء c'est une عبادة عظيمة et invoquer autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner c'est du shirk. كذلك invoquer une personne qui n'est pas présente quand on dit invoquer lui demander quelque chose pas présente elle est morte ou elle est incapable هذا كذلك c'est du shirk لأن هذا الشخص il a une عقيدة dans ce مخلوق c'est pour ça qu'il lui a demandé il espère de ce شخص il place sa confiance en ce شخص il lui demande tout ça c'est من الشرك كذلك on a vu الخوف il est على أنواع أما خوف السر il y a aucun سبب لكن il a peur de ce مخلوق لأنه il pense que ce مخلوق il peut donner il peut enlever Un mort, il a peur de ce mort parce qu'il a peur que le mort, il se venge de lui, ou il le frappe d'un malheur. Tout ça, c'est minashirk. Là, il n'y a aucun sabab. Ce khawf sirri, khassun billah. Amma, khawf avec un sabab, c'est normal. Tant que ce khawf, il ne te pousse pas à un haram. Amma, s'il te pousse à un haram, tu tombes dans le haram. Si ce khawf, il te pousse au shirk, c'est du shirk. Kadhalik, le khawf al-tabi'i. Ça, c'est naturel. L'insan, il a peur... d'un animal féroce, il a peur du feu. Hada, c'est normal. Wallahu musta'an. Et inshallah, le prochain cours, on verra al-raja. Al-raja, wa al-tawakkul, wa al-raghba, wa al-rahba. Et inshallah, na'am, le prochain cours, on finira al-aslu al-thani. Ou al-aslu al-awwal, et on essaiera de commencer al-aslu al-thani. Subhanak, lahum hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.